Je t'attendrai près du distributeur. On se retrouvera demain vers 21h. Vol 315 pour les États-Unis. Rendez-vous à Orly et puis salut Paris. Un rocking chair sous un soleil de plomb. On est là tous les deux à regarder l'horizon. On sera bien loin de tous nos problèmes. Nous vivrons à l'heure américaine. On va s'aimer comme on s'aimait en Provence. Hey, let's go, ok pour Miami. Et ce n'est pas vraiment très loin de la France. Hey, let's go, ok pour Miami. Il y a là-bas du sable et des chansons. Chanter qui sourit, du soleil et des filles jolies. On va danser comme on dansait en Provence. Hey, let's go, ok pour Miami. Tout en pensant encore un peu à la France. Hey, let's go, ok pour Miami. Quand je n'aurai plus le moindre dollar, je reprendrai ma guitare. Une cigarette, un sandwich, un soda. Il nous suffit d'un rien, on est heureux comme ça. Dans ma valise, j'ai mis 2-3 chemises. Quelques films en couleur pour jouer les reporters. Je reviendrai avec des souvenirs.